Le 22 février dernier, au terme de longues heures d'attente et d'un suspense insoutenable pendant la phase de descente, la sonde Hayabusa 2, la sonde japonaise, a réussi son incroyable mission, prélever à la surface de l'astéroïde Ryugu quelques milligrammes de matière, de poussière et de roche. Mais la mission d'Hayabusa n'est pas encore terminée, elle doit encore lancer un engin explosif à la surface de l'astéroïde pour tenter de récupérer des particules de matière sous la surface du géocroiseur, puis revenir tranquillement vers la Terre à l'horizon 2020 pour mettre à disposition des chercheurs tous ces fragments de roches collectées. Hayabusa 2, un petit tour et puis s'en va, c'est le programme aller-retour qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous raconter cette épopée spatiale nippo-européenne, nous avons le plaisir d'être en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Azur à Nice avec Patrick Michel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche CNRS, responsable de l'équipe théorie et observation en planétologie à l'Observatoire Nice-Côte d'Azur. Et nous sommes ici à Paris, à la Maison de la Radio, avec Philippe Hénaré-Rose. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, qui consacre son numéro de ce mois-ci à un astéroïde pas tout à fait le même, un autre dont nous avons parlé ici même il y a peu de temps, Ultima Thule, l'ancêtre des planètes. Voilà, c'est à la une de ce Ciel et Espace du mois de mars-avril. Vous pouvez suivre cette émission comme d'habitude sur les ondes en différé sur franceculture.fr ou en podcast, mais comme toujours en parallèle via notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors Patrick Michel, pour commencer, vous revenez tout juste du Japon. Vous avez assisté au touchdown, hein, comme on dit, en direct depuis les locaux de l'agence spatiale japonaise, la JAXA. Racontez-nous un peu, parce que évidemment, aller prélever quelques milligrammes de matière d'astéroïdes à des millions et des millions de kilomètres de là, on imagine que la tension était très haute dans les locaux. Oui, absolument. C'est des moments absolument uniques, extraordinaires. Quand on a la chance de vivre ça, c'est absolument génial. Ce que j'ai déjà dit, ça vaut tous les antidépresseurs ou boissons énergisantes si vous êtes fatigué ou déprimé, parce que c'est vraiment des moments vraiment géniaux. C'est à plus de 300 millions de kilomètres, hein, donc plus de 1000 fois la distance Terre-Lune, que l'on cherche à s'approcher pour prélever un échantillon. Et effectivement, on est face à un petit corps qui fait 900 mètres de diamètre, hein, donc c'est tout petit. Il a très peu d'attraction, donc on contrôle... Enfin, faire de la navigation à proximité de ce genre de petit corps est toujours un grand défi. On est très loin, le signal met plusieurs minutes, voire dizaines de minutes pour arriver. Et donc, ce sont vraiment des opérations très, très, très, très, très, très compliquées. De toute façon, le spatial est compliqué. Et effectivement, être dans la salle à ce moment-là, c'est une certaine tension, d'autant plus que ça prend pas 10 minutes. En fait, on a commencé le 21 février vers 8h du matin, heure japonaise, donc minuit, heure française la veille. Et les opérations sont terminées le lendemain à 18h. Donc ça a été évidemment la nuit blanche, puisqu'en fait on descend très lentement à proximité de cet astéroïde. On commence à quelques dizaines de centimètres par seconde, jusqu'à une dizaine de centimètres par seconde. Donc c'est très très lent, et puis tout peut se produire à n'importe quel moment. Donc c'est là qu'on voit la tension des équipes, et puis l'erreur ne pardonne pas. Et d'ailleurs, ça a commencé avec des petits problèmes qu'il a fallu régler pour pouvoir descendre tranquillement. Quel type de problème, justement, Patrick Michel? Qu'est-ce qu'il y a eu comme alors, problème? En fait, racontez-nous, faites-nous vivre un peu cette longue journée de 48 heures. On a envie de savoir comment ça s'est passé. On va pas la faire en 24 heures parce qu'on a un temps limité. Mais donc, je vais vous faire des raccourcis. Mais en fait, donc, dès le début, on s'est aperçu qu'il y avait une erreur entre la position donnée par le satellite et la position réelle. Donc, il y avait, en gros, une erreur dans le logiciel de navigation. Donc, les ingénieurs ont dû, du coup, retarder la descente de quelques heures pour pouvoir reprogrammer le logiciel, le renvoyer et s'assurer qu'il marche. Le délai était combien de temps entre la Terre et Hayabusa? En moyenne, c'était 19 minutes, 18 ou 19 minutes, le temps de lancer, de recevoir les informations. Donc ça prend du temps. Et puis on voit rien, c'est-à-dire qu'on est très loin, évidemment. Donc on a que des signaux sur un ordinateur, des données sur un ordinateur, donc on est face à ça. Et évidemment, comme mon éclaireur ne pardonne pas, parce que on est quand même face à un petit corps qui est très rocailleux, toute erreur de distance peut ne pas pardonner. Du coup, voilà, il y a une certaine tension, mais et c'est pour ça d'ailleurs que, avant d'en venir à l'opération elle-même, il y a eu plusieurs exercices de descente qui ont eu lieu pendant les mois avant cette descente-là. Et d'ailleurs, les Japonais ont fait un travail, mais fantastique, fantastique, parce que compte tenu du fait que cet objet est peuplé de rochers de façon homogène, c'est-à-dire que c'est vraiment un terrain auquel on s'attendait pas du tout, parce qu'on avait l'expérience, on en parlera, d'Hayabusa, où le petit corps Itokawa de 540 mètres de long avait des zones avec des rochers, des zones absentes où il y avait les rochers étaient absents, donc on pouvait se poser tranquillement. Là, en fait, il y avait des rochers partout. Donc la première complexité, ça a été de revoir complètement la stratégie de descente. Pour la repousser de plusieurs mois d'ailleurs, hein, par rapport au plan initial. Tout à fait, parce qu'en fait, on devait le faire, la première récolte devait être faite en octobre. J'étais d'ailleurs allé pour ça, et en fait, ça s'est terminé par un exercice de descente pour s'entraîner et pour vérifier quelle était la meilleure stratégie pour descendre à la surface. Alors, je peux vous dire les deux stratégies qu'il y avait très rapidement. La première, c'était en fait de descendre en déployant un petit marqueur, donc un truc brillant, si vous voulez, qui précédait le satellite, et en suivant la descente de ce marqueur, eh bien, on se posait à côté de lui. Mais bien sûr, on était soumis à ce moment-là à la précision de la trajectoire du marqueur jusqu'à la surface. Et d'après les estimations, ça permettait d'avoir une descente avec une précision de l'ordre de 100 mètres sur un objet de 900 mètres. Et là, on s'est aperçu qu'on n'avait aucune zone dans laquelle il n'y avait pas de rocher qui faisait 100 mètres de large, en gros. Or, le satellite, il faut qu'il puisse prélever et puis revenir, donc faut pas l'endommager. Donc on a regardé les zones qu'on avait et on s'est aperçu qu'on avait des zones d'une dizaine de mètres de diamètre qui étaient à peu près tranquilles, entre guillemets. Donc ce qu'ils ont décidé, c'est plutôt que de suivre un marqueur qui descend à la surface de l'astéroïde, c'est d'abord de déployer le marqueur et une fois qu'il est à la surface, eh bien de descendre en le visant, pour pouvoir atterrir à côté de lui. Mais tout ça nécessitait d'être vérifié, il a fallu s'exercer, déployer un marqueur, le déposer, enfin voilà. Ça, du coup, ça a pris beaucoup de temps. Ils ont revu complètement cette stratégie. Et puis une fois qu'ils étaient à peu près sûrs qu'ils étaient capables de descendre avec une précision de quelques mètres, eh bien, là, on s'est lancé. C'est donc le 21 février que ça a commencé. Mais évidemment, comme toujours, il faut faire face à différents problèmes. Et le premier, c'était ce logiciel de navigation. Mais là aussi, c'était un petit peu entraîné à faire des exercices. Vous savez, un petit peu comment on fait des exercices. Il y a un incendie dans l'immeuble, on s'évacue. Voilà, ils ont fait des exercices avec des simulations, des problèmes, oui. Des simulations, voilà. Et donc, on a retardé de quelques heures la descente à cause de ça. Mais du coup, pour rattraper le temps, au lieu de descendre ce qui était prévu à 40 cm par seconde, on est descendu à 90 cm par seconde, dans l'ordre 1 mètre par seconde, pour pouvoir rattraper le temps. Et ce qu'on a fait. Et donc, le 21 février à 17h33 à peu près, je crois que c'est à peu près ça, 5h30 le soir, eh bien, on arrivait à une altitude de l'ordre de 5 km en partant de 20 km. On est arrivé à 5 km et là, on réduit à nouveau la vitesse parce qu'il faut s'approcher de manière très lente, hein, puisqu'il n'y a pas d'attraction. Et donc, à partir de là, on est à 10 cm par seconde. Et là, ça s'est passé assez tranquillement. Bon, il y a eu encore quelques petits problèmes. Il y avait une crainte, c'est qu'on utilise une sorte de laser pour mesurer la distance à l'astéroïde. Et la crainte, c'était de taper sur le marqueur qu'on avait déposé à la surface, qui est très brillant, et que le réfléchissement renvoie. Donc ça fausse les données de mesure. Exactement. Mais bon, ceci s'est pas produit. Et donc on a passé la nuit à bien sûr surveiller tout ce qui se passait. Il peut toujours se passer n'importe quoi. Puis les derniers mètres de descente, eux, se font de manière complètement autonome. Et à ce moment-là, il se trouve que j'étais en interview à la télé avec le manager du projet et puis le responsable du mécanisme de récolte. On avait prévu un interview télé de 7h30 le matin, donc le lendemain matin, à 7h55 parce que le touchdown était prévu vers 8h le matin. On voulait le faire juste avant. Et en fait, comme là, ça s'est mieux passé que prévu. En fait, le touchdown a eu plus tôt. Et au moment où on était en train de parler, de dire ce qui allait se passer, on voit les bras se lever dans la salle, tout le monde qui crie. Et là, on a compris que ben voilà, le satellite avait bien touché la surface. On s'en a aperçu parce qu'on avait des mesures de télémétrie qui nous disaient qu'après être descendu, il était en train de remonter. Donc, on savait qu'au moins, il avait touché la surface. Donc là, cri de joie, mais ce n'était pas fini parce qu'il pouvait avoir touché la surface. Sans rien prélever. Exactement. Donc, ce qu'on a vérifié, il a fallu un peu plus de temps, une vingtaine de minutes après, c'est que le projectile, puisque donc la récolte, c'est en fait, il y a un cornet qui fait à peu près 70 cm de long, comme un petit peu une trompe de moustique hein, devant le satellite. Et quand ce cornet touche la surface, eh bien, ça déclenche le lancement d'un petit projectile de 5 grammes à 300 mètres par seconde. Donc, on fait un petit impact, paf. Et une fois que le projectile tape, eh bien, la matière éjectée, et du fait qu'en plus il n'y a pas de gravité, elle s'éjecte facilement, elle est capturée dans le cornet et on récolte voilà, quelques grains de poussière de cet impact. Et ce qu'on a pu vérifier, c'est la température du mécanisme de lancement du projectile qui effectivement avait monté. Donc ça veut dire qu'il y avait bien eu une explosion qui avait propulsé le projectile. Donc ça nous a confirmé que le mécanisme avait bien marché. Le satellite était en train de remonter de façon tout à fait stable. Et bien sûr, plus tard, vers 3 heures de l'après-midi, donc là, maintenant, on patientait, on essayait de se reposer un peu, on est un peu dans l'excitation. Et puis à ce moment-là, on reçoit les premières images et là, waouh, on voit des tas de poussière éjectée. Là, on s'est dit, ouf, là, c'est énorme. On était quasiment convaincus qu'il y avait bien de la matière récoltée, sachant qu'on n'a pas une manière directe de le savoir. Il n'y a ni de balance, ni de caméra pour vérifier à l'intérieur qu'on a bien de la matière. Mais compte tenu de la matière que l'on voit s'éjecter depuis l'extérieur du satellite, on est assez confiant qu'on a récolté ce qu'il faut. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, vous venez de revivre quasiment en différé cette tension et cette excitation du 22, 21 et 22 février dernier de ce touchdown de la sonde Hayabusa 2 sur l'astéroïde Ryugu, puisque c'est le thème de notre émission du jour. Nous en parlons donc avec Patrick Michel qui vient de nous faire cette brillante description, qui est astrophysicien, qui est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu à Nice, et ici avec Philippe Hénaré-Ros qui est rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Alors on va replacer un peu cette mission Hayabusa 2 dans son contexte, parce que ce n'est pas la première mission qui a pour but final d'aller à la rencontre d'un astéroïde, loin s'en faut. La toute première, c'était entre la fin du siècle dernier et le début du siècle actuel. Écoutez cette archive du journal de France Inter. Nous sommes le 12 février 2001. Direction l'espace pour terminer la partie actualité de ce journal avec un tour de force que va tenter aujourd'hui la sonde américaine Near Shoemaker. Après plus de 5 ans et 3 milliards de kilomètres de voyage, elle va tenter de se poser sur l'astéroïde Eros, un petit astre de 33 kilomètres de long seulement. À titre d'exemple, c'est la taille de l'île d'Oléron en France. Autant dire, Jacques Tizou, que la sonde américaine, dont ce sera la dernière mission, ne devra pas rater sa cible. Imaginez que vous sautiez d'une automobile roulant à 30 km/h ou même 5 seulement sur une route qui tourne, pleine de grosses bosses et de grands nids de poules, en faisant des photos en même temps et alors qu'on vous a amputé des deux jambes. C'est ce que va devoir faire ce 12 février la sonde interplanétaire Near Shoemaker pour être la toute première à atterrir sur l'un de ces astéroïdes qui tournent entre les planètes Mars et Jupiter. Eros, un tout petit caillou à l'échelle planétaire, 33 km de long seulement, une forme irrégulière qui rappelle une cacahuète ou une pomme de terre, une masse si petite, une gravité si minuscule qu'une personne de 70 kg ne pèserait que 30 grammes à sa surface. La petite sonde de 500 kg a fait parfaitement son travail depuis 1996, se plaçant sur orbite autour de l'astéroïde, effectuant des millions de mesures et prenant plus de 160 000 photos. Mais elle tombait en panne de carburant et la NASA a donc décidé de la faire atterrir sur Eros. Un suicide en fait. Ce n'était pas prévu, la sonde n'a pas de train d'atterrissage, mais elle fournira des images de ce caillou vu à bout portant avant qu'il nous tombe sur la tête. dans 150 000 ans. Voilà, c'était en février 2001. Ça nous fait rire avec Philippe Hénaréros parce qu'on trouve, on coche un peu toutes les cases de la description de la mission vers un astéroïde. Alors, il y a la cacahuète, le bonhomme de neige, le suicide programmé, tout ça. Mais bon, c'était tout de même la première, effectivement, sonde dont la mission dédiée, il y en a d'autres qui avaient survolé des astéroïdes, mais c'était était un astéroïde, Philippe. Oui, c'était pas le premier survol, mais c'était la première sonde à se mettre en orbite, si on peut appeler ça comme ça, autour d'un astéroïde, parce que ce sont des petits corps qui ont très peu de gravitation, et à l'étudier de près pour commencer à savoir de quoi ils étaient composés, etc. Et cet atterrissage, effectivement, arrivait en fin de mission. L'astéroïde avait été cartographié et ce n'était pas prévu que cette sonde aille au contact, mais les gens de la NASA ont voulu la déposer, en quelque sorte, sur l'astéroïde. Alors, on a eu une image à quelques mètres du sol dont la transmission a été interrompue parce que dès que la sonde a touché le sol, son orientation, l'orientation de son antenne par rapport à la Terre a été changée. Et donc la communication s'est coupée et on a vu la moitié de l'image et l'autre moitié c'était des traits, mais on voyait les cailloux à quelques mètres ou à un mètre de la surface. C'était la première fois qu'on s'approchait autant d'un astéroïde qu'on avait un paysage d'astéroïdes. Patrick Michel, cette première mission de la NASA, je crois que Hayabusa, c'est la 11e direction d'un astéroïde. Ça ouvre le champ d'une nouvelle forme d'exploration spatiale qui était encore quasiment impossible. On pensait au survol, on ne pensait pas pouvoir un jour encore à ce moment-là prélever et revenir vers la Terre avec des extraits de ces astéroïdes. Oui, tout à fait. Alors, il faut d'abord signaler que Eros a été découvert à Nice, d'ailleurs. Bien sûr. Et aussi à Berlin en parallèle. Et j'avais le bonheur aussi de participer à cette mission. Et c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est qu'on a très peu de données sur ces objets depuis le sol terrestre. Ce sont des objets qui sont très, très peu lumineux. Donc, finalement, on ne sait pas grand-chose. Et c'est ça, ce côté qui est vraiment fascinant quand on participe à ces missions. C'est qu'on a l'impression vraiment d'être des explorateurs. Un petit peu comme Indiana Jones qui va à la découverte, ou Christophe Colomb qui va à la découverte d'un nouveau territoire. Et chaque jour, quand j'ouvre mon ordinateur et que je regarde les nouvelles images, j'ai l'impression de participer à la découverte d'un nouveau monde. Et ça, c'est vraiment des moments d'émotion. Et à chaque fois, d'ailleurs, j'ai fait Eros, j'ai fait Nir, j'ai fait Hayabusa, maintenant Hayabusa 2 et Osiris Rex. À chaque fois, on a des surprises, mais incroyable. Tout ça parce que effectivement, ce sont des objets qui défient notre intuition, parce qu'ils sont soumis certes aux mêmes lois de la physique que celles qu'on a sur Terre et partout dans l'univers, mais dans des conditions extrêmement différentes du fait qu'il y a très peu d'attraction. Donc on a vraiment des territoires et une géologie qu'on appréhende à peine grâce à ces images et qu'on essaie encore de comprendre. On est arrivé avec Hayabusa 2 en juin l'année dernière et on est en train d'essayer d'interpréter ce que l'on voit. Et c'était pareil pour Eros et ça sera pareil pour Bennu sur Osiris Rex. D'ailleurs, c'est vrai que Eros a été mis en orbite. Dans le cas de Hayabusa 2, la sonde n'est pas en orbite autour de l'astéroïde, elle le suit en fait. Parce que, encore une fois, c'est compliqué de se mettre en orbite autour d'un petit corps. Et s'il y a eu beaucoup de survols d'astéroïdes, on peut remarquer quand même que, alors que ce sont quand même des corps qui ont une grande diversité, et il faut le rappeler aussi aux auditeurs, pourquoi est-ce qu'on étudie ces corps-là ? C'est parce que ce sont les restes des briques qui ont formé nos planètes et qui ont gardé cette mémoire de la composition initiale du système solaire qui a été perdue dans les planètes qui ont chauffé, donc la matière s'est transformée chimiquement. Eux nous permettent de remonter le temps et essayer de comprendre comment la Terre a été formée, voire même comment l'émergence de la vie, comment la vie a pu émerger sur Terre. Et bien, en dépit de cela, on a quand même, pour les petits astéroïdes, que deux missions jusqu'à Hayabusa de Osiris Rex qui ont été dédiées. Nir avec Eros et Hayabusa avec Itokawa. Le reste, ça a été des survols. Donc c'est important de souligner et c'est vrai que ça nous apprend énormément de choses et il nous faut du temps d'ailleurs pour digérer tout ça. Et on va renvoyer les auditeurs aux nombreuses émissions que nous avions consacrées, notamment à la ceinture de Kuiper, à la ceinture notamment à Cérès et à la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, où on refaisait un peu, on va pas refaire ici le distinguo comète-astéroïde, on l'a suffisamment fait, donc on vous renvoie vers ces émissions qui le faisaient très bien, et notamment la mission Rosetta, qui était là aussi, on va vous mettre des liens vers les émissions. Churi était une comète, pas un astéroïde, c'est pas tout à fait la même chose, ce sont pas tout à fait les mêmes corps, tous les deux sont très intéressants, tous les deux sont des défis technologiques pour pouvoir envoyer des sondes à leur surface et éventuellement pouvoir en ramener quelques bouts. J'aimerais qu'on parle directement de cette première mission Hayabusa 1, puisque avant à Hayabusa 2, il y a Hayabusa 1. Et Hayabusa 1, Philippe Hénarero, ça a déjà réalisé cet exploit de ramener des extraits de régolithes, hein, de cette poussière d'astéroïdes et de roches sur Terre. Oui, alors c'était une première, et comme toutes les premières, ben on découvre, on apprend à s'approcher d'un astéroïde, et les Japonais expérimentaient, c'était la première fois, et la sonde, il faut le dire, a été quand même handicapée par quelques pannes de ses moteurs, qui ont fait que la collecte ne s'est pas passée aussi bien qu'elle était prévue, et si bien que quand les échantillons, ou ce qui était censé être les échantillons, a été mis dans la capsule de retour, puisque pour revenir sur Terre, il faut franchir l'atmosphère de la Terre à une très grande vitesse, donc il faut un bouclier thermique et une capsule spéciale qu'on balance. Pour que ça se désagrège pas, quoi. Pour que ça se désintègre pas. Et jusqu'au moment où on a ouvert, on se demandait s'il y avait quelque chose à bord. Et de fait, il n'y avait pas grand chose. C'était vraiment très infime. Il a fallu racler les parois. et racler les fonds de tiroir pour trouver quelques petits échantillons. Il y en avait, mais ils étaient tout petits. C'était un peu frustrant. Mais du coup, de cette mission, les Japonais ont beaucoup appris et ils ont eu raison de persévérer et de bâtir sur cette première mission une deuxième, Hayabusa 2, dont on voit que les difficultés techniques sont plutôt surmontées là pour l'instant. On n'est jamais à l'abri avec du spatial, mais ça marche quand même rudement bien. Et a priori, la collecte était très spectaculaire parce que quelques temps après le touchdown, il y a eu une petite caméra à but de diffusion, hein. Juste, c'était pas scientifique, qui a pris des images et qui montre les cailloux, les gravillons qui sont éjectés par l'impacteur et qui volent un peu tout autour de la sonde. C'est un espèce de nuage là, comme dans Star Wars, vous voyez, on est au milieu des cailloux qui volent. On va essayer de trouver cette image donc, des cailloux qui volent autour de la sonde et vous la poster sur le fil Twitter de l'émission, parce que c'est vrai qu'elle est très impressionnante. Peut-être un mot, Patrick Michel, pour dire aussi que, effectivement, Hayabusa 1, malgré les problèmes que soulève Philippe Hénarero, ça a été quand même un vrai succès. Ça a été la preuve qu'on peut faire une mission aller-retour avec des prélèvements, même si ces prélèvements n'étaient pas aussi réussis qu'on l'attendait. Hayabusa 2 est une mission plus ambitieuse et ça n'est pas, elle se dirige pas vers le même type d'astéroïde. On cherche pas tout à fait la même chose. Oui, en fait, Hayabusa 1 était une mission purement engineering, comme on dit en anglais, donc à démonstration technologique. Les objectifs n'étaient pas scientifiques, c'était de tester plusieurs technologies comme par exemple la possibilité de se propulser avec un moteur électrique dans l'espace interplanétaire, des technologies de navigation autonome à proximité d'un petit corps, des technologies liées justement au mécanisme de récolte d'échantillons, et puis la technologie de capsule de réentrée dans l'atmosphère à très haute vitesse. Alors, elle a eu beaucoup de malchance, des éruptions solaires qui ont cramé la moitié des panneaux solaires. Enfin, on va pas refaire toute l'histoire, mais c'est aussi une aventure. D'ailleurs, ils en ont fait 3 films à la Hollywood, hein, sur cette mission. Et en fait, le mécanisme n'a jamais marché, le projectile n'a jamais été tiré, et la raison pour laquelle il y a des échantillons qui sont rentrés dans le cornet, c'est parce que la sonde a été son propre projectile, puisqu'elle a touché la surface, elle a rebondi, ce qui n'était pas prévu. Et en faisant ça, ben, il y a quelques poussières qui sont rentrées dans le mécanisme de récolte. Donc, ce qui est important de dire, avant de répondre à votre question, je fais comme les hommes politiques. Allez-y, on est là, on a le temps, on vous écoute, c'est passionnant, donc il n'y a pas de problème. Donc, ce qui est important de dire, c'est que là, il y a eu une première historique, parce que c'est la première fois avec Hayabusa 2 qu'on prend un échantillon tel que c'était prévu. Donc c'est la première récolte d'échantillons vraiment sur la base nominale avec le mécanisme, etc. Sur Hayabusa, donc l'astéroïde c'était Itokawa. C'est en gros, on a deux grandes classes d'astéroïdes. On a des astéroïdes de type ce qu'on appelle S pour rocheux silicaté. C'est le cas d'Itokawa. Voilà le cas d'Itokawa, et des astéroïdes de type C pour carboné, plus primitif, plus sombre, et c'est le cas de Ryugu. Et en fait, ce sont ceux-là qui nous intéressent le plus scientifiquement, encore que on connaît tellement peu de choses qu'on en prend un au hasard, on apprend plein de choses, mais c'est vrai que pour tout ce qui est lié à cette mémoire de la composition initiale du système solaire et le rapport avec l'émergence de la vie sur Terre, on cherche à atteindre les corps qui se sont formés le plus loin du Soleil, c'est-à-dire qu'on le moins chauffé, de telle sorte que leur composition reflète celle des briques élémentaires qu'ont formé les planètes. Et s'ils ont trop chauffé, ça sera plus le cas. Les objets silicatés comme Itokawa se forment un peu plus près du Soleil, donc leur matière est un peu plus évoluée. Par ailleurs, dans les objets type C, comme ils sont potentiellement riches en carbone, encore qu'on le vérifiera quand on aura les échantillons, on pense qu'ils contiennent aussi de la matière organique. Et d'ailleurs, certaines météorites carbonées nous montrent qu'il y a même des acides aminés. Et ce qu'on veut pouvoir vérifier, et aussi de l'eau, des minéraux hydratés qui ont vu l'eau. Il n'y a plus d'eau, hein, il n'y a plus d'océan sur un astéroïde, mais ils ont vu l'eau. Et donc, en ramenant des échantillons, on va pouvoir analyser les propriétés de cette eau, les propriétés de cette matière organique, et éventuellement vérifier si ces propriétés sont compatibles avec les éléments dont on pense qu'ils ont pu faire émerger le vivant sur Terre. Donc c'est pour ça qu'on choisit cette classe d'astéroïdes pour des raisons scientifiques. C'est parce que c'est vrai que le but ultime, c'est d'apprendre sur nos origines et sur l'origine des planètes. Les acides aminés, rappelons-le, hein, qui sont les premières briques qui permettent de former les protéines. Qu'est-ce qu'ils ont dit ces prélèvements d'Hayabusa 1 d'ailleurs, Philippe Hénaréros ? Qu'est-ce qu'ils nous ont appris ou Patrick Michel ? Oh, je préfère laisser Patrick Michel. Les prélèvements, il y en avait certes pas beaucoup, mais ils ont parlé quand même un petit peu. Ils nous ont raconté un peu l'histoire de cet astéroïde Itokawa. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que, alors on en parlera peut-être à la fin de l'émission, mais les cosmochimistes, qui sont ceux qui analysent l'échantillon, font un travail extraordinaire avec très très peu de matière. Vous leur donnez un micromètre, un grain d'un micron et ils vous refont tout. Ils sont capables de le dater, ils sont capables de comprendre son histoire, etc. Donc pour Itokawa, en fait, on a récolté quelques milliers de petits grains. Et avec ça, on a pu déjà faire le lien entre les astéroïdes du type d'Itokawa, donc silicatés, avec des météorites qu'on a sur Terre, qui sont ce qu'on appelle des chondrites LL. C'est un type de météorite assez commun d'ailleurs. Et donc de vérifier ce qu'on avait prédit sur la base des observations à distance, que ce type d'astéroïde doit avoir des compositions similaires à ce type de météorite. Alors, on le pensait, mais on a pu le vérifier. Par ailleurs, on a pu aussi dater le moment où Itokawa est né, de la destruction de son corps parent, parce que tous ces objets qui sont si petits, d'ailleurs tous ceux qui sont plus petits que quelques dizaines de kilomètres de diamètre, sont des objets qui sont de seconde génération, c'est-à-dire qui sont issus d'un corps plus gros qui a été détruit par une collision, parce que des tas de collisions se produisent dans la ceinture des astéroïdes, qui génèrent des fragments, et ces fragments sont ensuite envoyés sur des zones instables, qui les font passer d'une trajectoire circulaire entre Mars et Jupiter et une trajectoire allongée qui les font croiser la Terre. Et donc ces objets-là sont plutôt des objets de seconde génération et on a pu dater pour Itokawa le moment où ceci s'est produit, il y a plusieurs milliards d'années. Et enfin, on a pu vérifier un phénomène qui est très important, c'est l'effet des radiations solaires sur la signature, j'allais dire, alors spectrale de la matière. C'est-à-dire, en gros, plus une surface du type de celle d'Itokawa est exposée au soleil, plus elle a tendance à rougir. Et on a pu vraiment mesurer ça, parce que un gros problème qu'on avait avant d'ailleurs cette mission, c'était que quand on essayait de faire le lien entre les propriétés des météorites qu'on a sur Terre et les astéroïdes, on avait une sorte de similarité entre ces objets silicatés et puis ce qu'on appelle ces chondrites ordinaires sur Terre, qui sont les météorites les plus communes. Mais il y avait une différence qu'on comprenait pas bien. Et en fait, cette différence, elle était simplement due à l'effet des radiations solaires qui ont tendance à rougir la surface d'un astéroïde. Et tout ça, on a pu le mesurer, le quantifier grâce aux échantillons d'Itokawa. Ce qui montre bien que même quand une mission vers un astéroïde a un but technologique, on a un énorme retour scientifique. Et c'est toujours ce que j'explique. En fait, les astéroïdes, c'est vraiment des objets fascinants parce qu'ils intéressent différentes communautés pour des raisons aussi très différentes, mais elles ont toutes besoin des mêmes connaissances. Parce qu'en fait, il y a trois grandes communautés qui s'intéressent aux astéroïdes. Il y a les scientifiques, bien sûr. Il y a ceux qui s'intéressent à la défense planétaire, hein, ces objets qui nous menacent. Et puis, il y a maintenant ceux qui s'intéressent aussi à faire du minage, à les utiliser comme ressources. Et en fait, ces trois communautés, certes, quand on construit une mission plutôt à objectif défense planétaire ou ressources, on ne définira pas les exigences des instruments de la même manière, mais en réalité, les connaissances dont elles ont besoin sont les mêmes. On a besoin de comprendre de quoi ils sont faits, on a besoin de comprendre leur structure de surface, si on veut prélever par exemple, et on a besoin de comprendre comment cette surface se comporte dans des conditions de gravité très différentes de celles de la Terre. Donc à chaque fois, même si, comme c'était le cas pour Hayabusa, on fait une démonstration technologique, eh ben on a un retour scientifique énorme. Et on vient de vous mettre sur le fil Twitter de l'émission At la méthode FC les images du touchdown. C'est pas une espèce de volonté d'accent un peu comme ça exotique. Et surtout le gif hein, qui montre bien l'explosion de poussière qui est effectivement très impressionnant. On vous a mis tout ça sur notre compte Twitter. Et on va reparler un peu de l'instrumentation d'Hayabusa parce qu'il n'y a pas que le touchdown. Il y a aussi plein d'autres choses qui sont passées avant ce touchdown et qui sont tout aussi passionnantes. C'était Philippe Glass, Floating in Space, à 16h30 sur France Culture. Floating in Space, c'est le cas de cet astéroïde Ryugu qui est allé sonder la sonde japonaise Hayabusa 2. C'est le thème de notre émission du jour. Nous en parlons avec Patrick Michel qui est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Azur à Nice, qui est astrophysicien et directeur de recherche CNRS, responsable de l'équipe théorie et observation en planétologie à l'Observatoire Nice Côte d'Azur, et avec Philippe Hénaréros qui est avec nous ici à la Maison de la Radio à Paris, qui est rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Alors cette peut-être qu'on peut parler un peu d'instrumentation, parce qu'on parle beaucoup évidemment de ce touchdown, parce que c'est très bien, c'est très visuel, c'est un exploit technique de pouvoir poser une sonde humaine sur un astéroïde qui va à quelle vitesse, rappelez-moi, va Patrick Michel, Ryugu, si on peut estimer une sorte de vitesse relative. Oh là, j'ai pas ça en tête, mais c'est plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Oui, au moins. Quels sont les équipements qui sont à bord d'Hayabusa 2, puisque Hayabusa 1, c'est une mission d'engineering, donc d'ingénierie pour faire une preuve de concept, d'efficacité de la méthode. Mais du coup, Hayabusa 2 était un peu plus chargé, un peu plus équipé que son petit frère ou sa petite sœur d'ailleurs. Oui, alors il y a bien sûr comme toujours une caméra, enfin plusieurs caméras d'ailleurs, qui permettent de faire de la navigation et bien sûr de prendre des images. Et ensuite, il y a des instruments. Alors il y a un LIDAR, ce qui est une sorte d'altimètre laser qui permet de mesurer des distances à l'astéroïde. Et ensuite, essentiellement, il y a des spectromètres dans différentes longueurs d'onde, dont du proche au infrarouge, à même à l'infrarouge thermique, pardon, qui permet de mesurer aussi les propriétés thermiques et de température. Donc ça, ce sont les instruments à bord. Et ils sont très importants parce que ce qu'on veut faire, évidemment, quand on prend un échantillon, c'est aussi avoir des informations sur le contexte géologique dans lequel on prend l'échantillon. Parce que c'est le grand avantage qu'on a, par exemple, par rapport aux météorites, c'est qu'on a les météorites, on a une idée de certains corps d'où elles pourraient revenir, mais on n'en est pas sûr. Et c'est un petit peu comme un géologue, si vous lui donnez un bout de caillou et vous lui dites « dis-moi ce que c'est », il va dire « mais où l'as-tu pris ? Est-ce que c'est au bas d'un volcan ou au bout d'une rivière ?» L'interprétation ne sera pas la même. Donc ces instruments sont là d'abord pour aussi permettre de choisir le meilleur site de récolte et aussi donner un contexte géologique à l'échantillon qu'on aura pris. Mais en plus de ça, donc par rapport à Hayabusa, c'est ça la grande différence. Il y a aussi un atterrisseur franco-allemand, donc CNES DLR, qui a été déployé avec succès le 3 octobre dernier. Là aussi, c'était une première. Mascotte, on va en reparler, on va en reparler tout à l'heure. Donc ça a été une première. Il y a aussi deux mini-rovers japonais qui ont essayé aussi déployer en septembre l'année dernière, aussi avec succès. Donc on coche toujours les cases super. Et puis là, il va y avoir un impacteur, donc une espèce de boîte munie d'un explosif qui va être déployé avec une petite caméra. Et avant qu'elle explose, on espère, le satellite va se mettre derrière l'astéroïde, la sonde, et l'explosion va se faire, ce qui va donner de la vitesse à un projectile de 2 kg qui va taper à 2 km par seconde, donc 7200 km/h à la surface de l'astéroïde et faire un gros cratère dans lequel on espère prélever après. Il faut dire que tout ça, ça a été fait avec à peine un peu plus de budget qu'Hayabusa 1. Et un satellite qui est à peu près essentiellement le même que Hayabusa 1. C'est-à-dire un milliard de dollars à peu près, c'est ça ? Ah non, moins ça c'est Osiris Rex, c'était à 800 millions de dollars sans lanceur. D'accord. Donc effectivement c'est un milliard. La mission japonaise est estimée à entre 250 et 300 millions de dollars. Alors bien sûr, la façon dont on calcule les coûts sont pas les mêmes, les japonais, il n'y a pas les salaires, etc. Mais c'est très peu cher. Ça donne des ordres de grandeur tout de même. Voilà, c'est à la moitié du coût du stade de foot à Nice. C'est très peu cher pour tout ce que ça permet de faire et toutes les équipes impliquées, parce qu'il faut voir que c'est vraiment un travail d'équipe énorme. Il y a plein d'étudiants, de doctorants. Enfin, bon, je ne vais pas vous vendre toute l'histoire, mais c'est vrai que c'est des aventures extraordinaires et qui finalement coûtent pas très cher pour le contribuable quand on divise par le nombre de contribuables. Philippe Hénaréros, je crois que vous avez quelque chose, une petite remarque à faire justement sur l'équipement en caméra et sur la diffusion des images. Oui, j'en ai déjà parlé avec Patrick Michel. Moi, je suis un peu impatient, comme tous les gens qui suivent passionnément l'exploration des autres corps célestes et qui suivent en direct ça. Et il y a eu l'atterrisseur Mascotte qui a été fait par le CNES et l'Agence spatiale allemande, si mes souvenirs sont exacts. Et on attend toujours toujours une image de la surface. On nous dit que c'est un succès. On a vu des images qui étaient peut-être après le premier rebond ou quelque chose comme ça. Donc l'objet se baladait un peu au-dessus de l'astéroïde. Alors certes, on aura sans doute une image qui ressemble à ça. Mais pourquoi n'a-t-on pas, alors que plusieurs mois se sont écoulés, toujours au moins un petit paysage de la surface d'un astéroïde? Parce que quand c'est une première, c'est aussi bien de le montrer au grand public qui suit ça avec passion. La question, c'est de dire qu'effectivement, la NASA communiquait à fond et a toujours envoyé des images en HD très rapidement pour le grand public, à une sorte de stratégie de communication peut-être un peu plus agressive. Qu'en pensez-vous, Patrick Michel? Ah là là. Ah là là. ne me demandez pas de critiquer mes collègues allemands, mais c'est vrai que je suis exaspéré, frustré, c'est hallucinant. On a fait une conférence de presse à Brême avec le CNES, il y avait le DLR, le jour de l'atterrissage de mascotte avec aucune image. Mais comment c'est possible? Et on est là pour faire rêver les gens, c'est surtout à des moments tels que maintenant, le monde est compliqué et on peut produire du rêve, de la connaissance, ça devrait être accessible à tout le monde. Mais évident, c'est tellement évident. Enfin, je leur ai mis des emails, je n'arrive toujours pas à comprendre. En plus, on a des images, toujours. C'est-à-dire que si on n'avait pas d'images, on pourrait dire bon, mais on a des images, elles sont magnifiques. Oui, donc la mission est un succès, rassurez-moi. On a des images. Voilà. Mais bien sûr, et ils veulent attendre les publications, etc. C'est dans un an, on brise l'unité de lieu et de temps qui fait que quand elles sortiront, on s'y intéresse moins, forcément. C'est des choses que je ne comprends pas, parce que justement, la raison pour laquelle je passe beaucoup de temps à communiquer avec le public, c'est qu'on a cette possibilité, avec ces aventures spatiales, qui sont des aventures en même temps humaines, techniques, scientifiques, d'apporter du rêve. J'espère aussi d'inspirer les jeunes, leur donner le goût de la curiosité, le goût des défis. Pas nécessairement pour être chercheur, mais parce que c'est important dans la vie, ça sert toujours. Et on a cette possibilité, c'est une super accroche, ce genre d'images qui viennent de 300 millions de kilomètres, qui montrent des détails, de nouveaux mondes, etc. Et priver... Mais même, je comprends même pas, c'est même pas priver ça du public, c'est se priver du plaisir de le montrer aussi au public, parce que partager, c'est ce qu'il y a de plus beau. Enfin bref, là vous avez piqué. Voilà, on a mis le doigt dans la plaie. Revenons un peu à cette sonde et quand même à ce prodige technique, parce que vous avez prononcé un mot intéressant, on en parlait ici il y a pas très très longtemps, mercredi dernier. On a fait une histoire du futur des rovers spatiaux. Vous me dites que sur la sonde Hayabusa, il y a des rovers, ça veut dire quoi? C'est la même chose que Curiosity, Opportunity, ou c'est un petit peu différent, Patrick Michel? Si Philippe veut en parler, c'est pas de problème. Non, c'est Philippe et Patrick, les prénoms, c'est juste moi qui yoyote, c'est rien. Non, allez-y. Alors, on les appelle des rovers, mais en fait, c'est plutôt des hoppers. C'est des tout petits modules qui ne roulent pas. Ils n'ont pas des roues, hein, ils ne roulent pas vraiment. Ils ont des espèces de ressorts qui se déclenchent pour sautiller. Et ils ont des caméras un peu comme des webcams qui prennent des images de surface. On les appelle rovers parce que ils peuvent se déplacer facilement et assez facilement, donc comme un rover qui évoluerait. Mais en fait, c'est tout petit, hein, c'est un ou deux kilos la petite chose. D'ailleurs, eux, ils ont communiqué parce qu'ils ont envoyé dès septembre des images qui sont d'ailleurs assez belles. On dirait, absolument, on se croirait au fond d'un océan et on voit que cette matière est très noire. Alors, ce qu'il faut dire, c'est ça qui est aussi une des grandes difficultés, c'est que cet astéroïde, il est beaucoup plus noir que tout ce que vous pouvez voir sur Terre. Vous prenez, je sais pas, vous avez un bureau noir, là j'en ai un devant moi, il est plus brillant que l'astéroïde. Il est noir de noir. Et ça pose un problème évidemment, parce que il est si noir qu'il réfléchit peu. Et donc pour le LIDAR, l'altimètre laser qui devait se baser là-dessus, il a fallu le recalibrer pour s'accommoder de quelque chose d'aussi sombre. Parce que c'est pour ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que quand on va voir un nouveau monde, il faut être assez flexible et pouvoir s'adapter au fait que les scientifiques, parfois, par rapport à leurs hypothèses, ou même par rapport aux connaissances qu'on a depuis le sol, sont loin de la réalité. Et donc voilà, ces petits rovers continuent d'ailleurs à évoluer, enfin l'un d'entre eux. Alors maintenant, il ne communique plus d'images alors qu'il en prend plein, mais ça va venir. Et c'est très intéressant parce que ça nous montre à quel point c'est utile d'avoir des images de surface et aussi de pouvoir toucher, c'est important, parce que quand on est à distance, on a un problème, c'est qu'on ne sait pas quel est le comportement mécanique de la surface. Vous pouvez voir une roche, vous pouvez avoir l'impression qu'elle est dure, elle est molle, ou inversement. Et donc, quand on veut vraiment comprendre l'histoire de ces corps, est-ce qu'ils sont poreux, est-ce qu'ils sont fragiles, etc., c'est très important de pouvoir toucher. Et de ce point de vue-là, les données que contiennent ces rovers, et voire même mascottes, sont très très utiles, notamment aussi pour sécuriser les touchdowns, parce que ça nous dit si la roche elle est plus ou moins poreuse, voire dure. Philippe Henarero, ces rovers, on avait déjà posé des atterrisseurs, mais des rovers qui bougent, qui prennent des photos, qui communiquent, là aussi, en termes de technologie, c'est ahurissant, c'est un progrès incroyable. Oui, c'est surtout très malin. Les scientifiques utilisent les lois de la physique. Et la quasi-absence de gravité, en fait. Voilà, ils utilisent la quasi-absence de gravité. Que, je parle sous le contrôle de Patrick Michel, mais que la gravité à la surface de Ryugu, c'est 1/70 millième de celle de la Terre. Donc c'est très peu. Et du coup, effectivement, on n'a pas besoin d'imaginer un engin avec des roues, un moteur qui risque finalement de sauter et de se retrouver projeté dans l'espace. C'est ça. Il vaut mieux avoir un petit sauteur avec des poids ou des ressorts qui se reconfigurent à l'intérieur et qui, par l'inertie, permettent de bouger. Avoir des caméras sur toutes les faces, parce que quand on a un cube, vous imaginez, vous lancez un dé sur la table, vous ne savez pas quel chiffre va être visible. Eh bien, vous mettez une caméra sur chaque face, peu ou prou, et vous avez toujours quelque chose. Et donc ça, c'est extrêmement malin, parce que du coup, vous n'avez pas besoin d'une machinerie très lourde. Et on sait que dans le spatial, chaque fois qu'on veut emporter des choses qui sont encombrantes, eh bien, c'est du poids, c'est du carburant au départ, et ça pénalise éventuellement d'autres instruments ou d'autres charges utiles. Oui, puisque la vitesse de libération, quand il y a là, si peu de gravité, c'est voilà, rien du tout. Avec des choses extrêmement légères, on arrive à faire des résultats intéressants. Mais c'est malin, Patrick mais Michel. ça pose une complexité supplémentaire. C'est que comme il n'y a pas de gravité, il faut le lâcher au bon moment. Parce qu'en fait, il faut rappeler que sur Hayabusa, un des Minerva a été à bord d'Hayabusa, mais il a été lâché trop tôt et du coup, il a raté l'astéroïde. Oui, et c'est pour ça que j'étais vraiment heureux pour l'équipe de Minerva, parce qu'ils ont attendu 13 ans. Pour refaire l'expérience et cette fois-ci réussir. Il y a eu quand même 13 ans où ils vivaient sur un échec et donc j'étais très content pour eux parce qu'effectivement c'était un petit peu dommage la première fois. Minerva, c'est le nom de ces rovers. Un mot s'il vous plaît, Patrick Michel, à propos de Mascotte, puisque c'est un instrument franco-allemand. Mascotte qui, lui, est un atterrisseur classique hein, de type Philae ou Schiaparelli. Paix à son âme. Un mot sur Mascotte. Quels sont les instruments embarqués? Quels sont le type d'informations qu'il peut donner et apporter sur Ryugu? Alors, c'est un Philae à grandeur, équivalent bonsaï, hein, parce qu'il fait 10 kilos. Philae faisait 100. Donc, c'est une petite boîte de 10 kilos, munie de batteries, d'ailleurs fournie par le CNES, pour pouvoir avoir son énergie. Il n'y a pas de panneau solaire. Donc, en fait, il devait durer 16 heures. Il en a duré 17. Et il pouvait aussi se déplacer légèrement. Et il était muni, il y avait une caméra, un radiomètre infrarouge qui permet d'avoir des données de température, un spectromètre aussi proche infrarouge, un imageur d'ailleurs proche infrarouge fourni par la France, et un magnétomètre. Donc ce qui a été très intéressant, c'est que le magnétomètre n'a pas vraiment servi à mesurer de champ magnétique, il n'y en a pas, mais il a permis de comprendre le comportement de Mascotte, parce qu'en fait, dès qu'il tapait, ça déplaçait un peu les batteries, ça générait un champ magnétique et c'est comme ça qu'on savait quand est-ce qu'il rebondissait, etc. Enfin, c'était intéressant. Et effectivement, la caméra a fourni des données, le radiomètre infrarouge aussi. Par contre, l'imageur infrarouge, malheureusement, avait besoin d'être en contact avec le sol. Et le sol étant très, très, très rugueux, eh bien, il n'était pas en contact parfait. Et les équipes travaillent encore, s'acharnent d'ailleurs, à essayer de pouvoir récupérer quand même des données. Voir si on arrive quand même à obtenir une information, parce que ça serait intéressant d'avoir des informations à micro-échelle, cette fois-ci, de la composition, pour les relier à celles prises depuis l'orbite. Mais pour l'instant, malheureusement, on n'a pas encore de données là-dessus. Donc voilà, il y avait une série d'instruments Et effectivement, ça a très bien marché en globalité, mais il faut attendre les publications pour que vous ayez les résultats. Ce qui est normal. Alors justement, on va se projeter un peu dans le futur. Pour le moment, et on va croiser les doigts, tout marche très bien. Il reste quand même une grosse étape. Il y a, vous l'avez dit, la charge explosive qui va être lancée normalement au mois d'avril. Et puis, si tout va bien, normalement, le voyage retour pour Hayabusa 1, ça avait été plus long que prévu, Patrick Michel. Oui, alors en fait, c'est parce qu'ils avaient, comme il y avait eu toutes ces péripéties, donc la sonde était arrivée en août 2005, elle devait rester 3 mois, et puis bon, avec toutes les péripéties qu'il y a eu, ils ont raté la fenêtre de retour, ils devaient rentrer en 2007, et puis les lois de la mécanique céleste font que quand vous ratez la fenêtre de retour, on est soumis aux lois de la gravité des planètes, etc., finalement, il a fallu attendre le 13 juin 2010, pour que la capsule rentre dans l'atmosphère de la Terre, et d'ailleurs même le satellite, la sonde qui a cramé dans l'atmosphère, et on a des vidéos qui montrent ça. Pour Hayabusa 2, donc début avril, d'ailleurs j'y retourne pour ça, on aura l'impacteur qui va devoir faire un cratère. Selon ce qui se produira, on fera une deuxième récolte vers la fin mai, début juin, d'échantillons. Donc un deuxième touchdown. C'est ça, un deuxième touchdown pour espérer récolter de la matière de sous-surface, c'est-à-dire extraite du cratère, pour pouvoir comparer avec celle exposée au soleil, pour les raisons que j'indiquais aussi pour Itokawa, voir quel est l'effet de l'exposition au soleil sur ce type de matériaux. Et la rentrée est prévue, donc le retour vers novembre-décembre 2019 et arriver sur Terre en décembre 2020, toujours avec la capsule qui atterrira en Australie, comme la dernière fois. Par contre, la sonde, elle, si elle a encore un peu de carburant, donc elle va pas cramer dans l'atmosphère, on espère pouvoir peut-être prolonger la mission en faisant un survol d'un autre astéroïde ou quelque chose comme ça, si elle a encore du carburant. Parce que le carburant, c'est vrai que c'est une question que je vous ai pas posée, parce que comme elle n'est pas en orbite, elle ne profite pas de l'attraction gravitationnelle, elle suit la sonde, donc ça doit être très gourmand quand même tout ça en énergie. Oui, alors il y a deux types de propulsion. Il y a un moteur électrique qui est là, qui est en fait une propulsion continue qui est utilisée pour le voyage interplanétaire. Puis il y a des petits propulseurs chimiques pour ajuster. Mais bon, tout ça est bien contrôlé. Comme en plus, tout s'est passé parfaitement jusqu'à maintenant. Et on peut espérer que même après, alors d'après ce qu'ils avaient prévu dans le réservoir, il y a plus que prévu en fait. Et donc peut-être qu'il restera durable pour faire un survol d'un autre astéroïde, sachant qu'à chaque fois qu'on passe à côté d'un port, on apprend beaucoup. Ce qui nous amène donc à un retour sur Terre fin 2020, et puis c'est une autre aventure qui commence, celle de l'analyse et de l'étude des prélèvements de Hayabusa 2. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à Nancy au centre de recherche en pétrographie et en géologie de l'Université de Lorraine pour comprendre bien comment ça va se passer l'analyse de ces échantillons. Oui, j'ai retrouvé Bernard Marty. Alors lui, il fait partie des chercheurs français qui ont été sélectionnés par la JAXA pour analyser les échantillons rapportés par Hayabusa 2. Alors aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelle quantité de matière sera à étudier, mais ce qui est certain, c'est qu'il sera sollicité pour étudier la phase gazeuse des grains de matière. Dans son laboratoire, tout est presque prêt. Les instruments ont même été améliorés depuis la première mission, car cette fois, on espère traquer des indices encore plus primitifs sur la formation du système solaire. Nous sommes répartis entre plusieurs équipes. Il y a 6 équipes qui sont dirigées par des chercheurs japonais. Moi, je suis co-dirigeant dans l'une de ces équipes qui est sur les éléments volatiles. Dans un premier temps, il faudra essayer de récupérer ces gaz. Donc la JAXA a déjà mis au point une enceinte dans laquelle il est prévu de percer sous vide et de récupérer ces gaz. Donc ça, ce serait une première étape. Ensuite, une fois que ces gaz seront récupérés, je suppose, parce que tout ça c'est encore à définir, on ne sait pas tout à fait encore, mais les gaz seront sans doute séparés en plusieurs fractions qui seront analysées soit au Japon, soit dans des laboratoires étrangers, dans la mesure où certains laboratoires pourront faire des choses qui ne se font pas forcément dans les laboratoires japonais, et inversement, peut-être que si tout se fait, ça restera au Japon. Et une fois que ces gaz donc auront été extraits, eh bien, il y a une équipe de caractérisation sur place, dans une facilité de la JAXA, qui va procéder à leur examen minutieux. Donc ça va durer 6 mois à peu près. On parle de 2021 là du coup. On parle, c'est ça, oui, les 6 premiers mois de 2021. La sonde revient en décembre 2020. Donc pendant 6 mois, ils vont être examinés dans une enceinte spécifique qui est déjà construite. Et donc les scientifiques vont déterminer quelle est la nature de ces échantillons, quelle phase minérale il y a, est-ce qu'il y a de la matière organique, il y en aura sans doute, est-ce qu'on trouve des minéraux qu'on trouve dans les météorites, il y a de fortes chances aussi, mais voilà, caractériser tout ça. Oui, ne sachant pas la nature exacte de ce qu'on va analyser, il faut se préparer à toute éventualité, voilà, tout à fait. Et déployer tout un tas d'instruments et d'analyses. Voilà, donc pendant 6 mois, les scientifiques vont caractériser tout ça. Et après, bien, il y aura un comité qui va décider, bien, telle équipe, sur les 6 équipes, aura tel échantillon pour faire ce type d'analyse. Nous, on est dans une équipe qui s'occupe des éléments volatiles, donc on aura des minéraux, du matériel pour faire cette analyse. La quantité, on ne sait pas, ça dépendra combien sera ramené, hein, on ne sait pas trop, ils visent 100 mg. Mais est-ce qu'il va y avoir un deuxième prélèvement en avril, une sorte de pulvérisation? Oui. Alors est-ce que ça va rajouter plus de matériel? Tout à fait. Donc il y a 2 autres opérations qui sont prévues, un autre prélèvement comme celui qui a eu lieu, et puis il va y avoir une expérience inédite qui consistera à envoyer une charge explosive juste à la surface de l'astéroïde, qui va créer un cratère. Et la sonde prélèvera au centre du cratère pour avoir du matériel qui est sous la surface. Donc ici, on pénètre dans des laboratoires où on procède à des analyses chimiques, mais également à des analyses physiques par spectrométrie de masse. C'est là où on va aller. Donc voilà, ce sont des instruments qui sont des analyseurs isotopiques qui permettent de déterminer la composition de la matière à des échelles très faibles. Là, on est capable d'analyser quelque chose qui serait de quelques dizaines, centaines de milliers d'atomes. Et c'est avec des instruments comme ça que l'on va déterminer la composition élémentaire et isotopique des échantillons qui en sera ramenés. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on prend ces grains, ils sont très très petits, hein, les grains, ils font quelques dizaines de microns. Ensuite, on va les mettre sous une enceinte sous vide où on va atteindre des vides très poussés. Et une fois qu'on sera au bon vide résiduel, on va les fondre ou les chauffer avec un laser, donc sous ultravide. Et les gaz qui seront extraits, on va les séparer, les analyser dans une ligne comme ça, et finalement les analyser pour leur composition avec des analyseurs haute performance. C'est-à-dire qu'on envoie de la lumière, un certain type de lumière dessus, et en sortie, on a des informations, voilà, sur la nature. On peut aller voir. Donc voilà une chambre laser, par exemple, dans laquelle vous avez des petits plots, et on va mettre un grain dans chaque plot. Et ensuite, avec un faisceau de lumière qui va passer à travers le hublot, parce que tout ça, c'est sous vide extrêmement poussé, on va chauffer séquentiellement le grain de façon à extraire les éléments volatiles qui ensuite vont être séparés dans des lignes comme ça, hein, des lignes ultravides, avant d'être analysés spécifiquement avec un spectromètre de masse. J'imagine que c'est des tests très délicats parce qu'il n'y a pas de répétabilité possible. On a une chance, entre guillemets. Oui, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que parfois, si vous avez beaucoup d'échantillons qui est à peu près homogène, on peut le séparer en plusieurs morceaux et recommencer l'analyse. Mais là, on n'est pas sûr que ce soit homogène, donc oui, il faut exactement savoir ce que l'on va faire avant. Donc c'est un savoir-faire. Alors c'est un savoir-faire qu'on a développé d'abord sur des roches terrestres, et puis progressivement, dans ce centre, on est passé de plus en plus vers la géologie extraterrestre, la géologie planétaire, et on a mis au point des techniques qui sont extrêmement sensibles, qui fait que finalement, ce sont les agences spatiales qui sont venues nous chercher pour faire des analyses que d'autres laboratoires ne pouvaient pas faire. Sur Ryugu, est-ce que vous avez bon espoir de détecter des éléments qui précèdent la formation de ces astéroïdes et qui livrent des informations encore plus anciennes? Bien sûr. Des nanodiamants de silice? Tout à fait. Et en fait, on les trouve dans les météorites. Ce sont des grains présolaires qui proviennent d'autres étoiles que le Soleil, qui n'ont pas été complètement fondus, homogénisés lors de la formation du système solaire, et qui nous renseignent sur le type d'étoile qui a contribué au nuage de gaz qui a donné naissance au Soleil et aux planètes. Donc ça, on le trouve déjà dans les météorites. Bon, ce signal est parfois altéré, parce que les météorites, d'abord, on ne sait pas d'où elles viennent forcément. Elles sont rentrées dans l'atmosphère, elles ont pu avoir une existence terrestre qui a un peu dégradé ce signal. Et là, on espère, sur un astéroïde primitif, avoir directement accès à de la matière, dont des grains présolaires qui n'auront pas été en contact avec l'environnement terrestre. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour nous. Voilà la suite, la fin terrestre en quelque sorte de cette mission Hayabusa 2. Un mot, on se demandait avec Philippe Hélaréros, Patrick Michel, s'il y avait 2 compartiments prévus pour ces 2 prélèvements ou si ça allait tout dans le même sac. Oui, il y en a 2. Donc on pourra vraiment dissocier évidemment discriminer les uns des autres. Ouais. Discriminer. Ouais. Je voudrais rajouter deux choses, c'est que en France, alors là je vais faire du chauvinisme, mais on a une communauté de cosmochimistes qui est vraiment extrêmement compétente et qui a été sollicitée d'ailleurs pour faire partie de d'Hayabusa 2. Il y en a 18 qui sont dans l'équipe d'analyse initiale et Bernard dirige tout ça. Bernard Marty, c'est très impressionnant. Moi je suis très très impressionné par ce qu'ils font. Et puis on parlait du CNES tout à l'heure. Qui était en charge d'une partie de mascotte. On a aussi un très bon soutien de notre agence spatiale française, le CNES, non seulement pour nous, les scientifiques, pour pouvoir justement participer à ces missions, et puis aussi des équipes, notamment à Toulouse, de dynamique du vol et autres, qui font vraiment un travail vraiment, vraiment génial. C'est vraiment très agréable de travailler avec ces gens-là. Ils sont extrêmement compétents et ils sont aussi d'ailleurs demandés par les autres agences pour venir en soutien. Donc ça, c'est aussi très agréable. C'est cette atmosphère de travail qu'on a en France avec des gens excellents et avec qui on travaille de manière très cordiale et très bien. On arrive dans les dernières secondes de cette émission. Peut-être un mot pour conclure quand même. Ce serait dommage de ne pas en parler, même s'il nous reste plus beaucoup de temps. Ça donnera lieu à une autre émission sur la mission jumelle, sur la mission de la NASA Osiris-Rex, Philippe. Oui, c'est le jumeau de Hayabusa 2, fait par les Américains. Avec un peu plus gros, voilà. Mmh. C'est-à-dire que le dispositif, on n'a pas trop le temps, mais le dispositif de collecte n'est pas le même. Mais a priori, ça doit permettre de ramener quelques grammes, voire jusqu'à quelques dizaines ou quelques centaines de grammes, voilà, ouais. Ou jusqu'à 2 kilos, d'un autre astéroïde. Et c'est pareil, c'est le même scénario, avec une capsule qu'on renvoie sur Terre et qu'on va pouvoir récupérer ensuite pour étudier les échantillons, les dater. Je rappelle au passage, juste très rapidement, que avant ces missions-là, les seuls échantillons qu'on avait pratiquement venaient de la Lune avec les astronautes et les missions automatiques russes du système solaire et que toutes les datations absolues venaient de là. Alors il y a eu quelques autres, on a eu des Stardust qui a ramené des morceaux de comètes, on a eu Hayabusa qui a commencé à ramener des microgrammes d'astéroïdes. Là on va avoir aussi la possibilité de dater de manière absolue tous ces astéroïdes. On sait qu'ils ont 4 milliards et demi d'années ou plus, mais on va le voir, on va le mesurer, c'est mieux quand c'est mesurer directement. Patrick Michel sur Osiris Rex, en deux mots, on vous fera revenir pour raconter l'histoire d'Osiris Rex qui est tout aussi intéressante et tout aussi passionnante. Alors, Philippe a dit en majorité, moi j'aurais deux messages à donner puisque c'est la fin. La première, c'est qu'en voyant Osiris Rex à Hayabusa 2, dans laquelle j'ai la chance d'être dans les deux, et je ne suis pas le seul, on voit que la science, elle n'a pas de frontières. Quand on est au service de la connaissance et qu'on veut comprendre les choses, la connaissance, elle est universelle. Et je peux vous dire que dans les deux équipes et ceux qui sont dans les deux, il y a une atmosphère de partage. Il y a une petite compétition, mais gentille, comme deux footballeurs sur un stade de foot. C'est vraiment excellent parce que dans un contexte de tension internationale, on le voit partout, quand il s'agit de la connaissance, on efface tout ça, donc ça c'est super. Et on a donc une mission japonaise, une mission américaine, et ce qui nous manque, c'est une mission en Europe. Parce que ça, c'est un problème. On s'est battu pour faire une mission de retour d'échantillons qu'on n'a pas réussi à faire passer. Il y en a eu une, voilà. Polo. C'est ça qui a été et on annulé. Espère maintenant faire ERA, qui est une mission de déviation d'astéroïdes avec la NASA, dont d'ailleurs je suis responsable scientifique. Et c'est la seule opportunité pour l'Europe d'avoir une mission dans les prochains 10 ans vers un petit corps. Et quand on voit à quel point elle fascine le public, à quel point on apprend, j'espère que l'Europe participera à cette aventure que les Japonais et les Américains ont bien commencé. La réponse pour ERA, ce sera quand, Patrick Michel, en un mot ? Ça sera en novembre, le Conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne, où les États membres, je l'espère, l'approuveront, parce que sinon, après, il n'y a plus de perspective. Bon, on espère que ça passera. En tout cas, on vous fera revenir pour nous raconter Osiris Rex ou pour nous raconter plein d'autres choses autour de ces petits corps, ces astéroïdes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Patrick Michel, d'avoir été avec nous. Merci à nos camarades de France Bleu Azur à Nice pour le duplex. Merci, Philippe Hénaréros. Je rappelle, la une de Ciel et Espace qui sort ce jeudi, l'ancêtre des planètes, l'astéroïde Ultima Thule, donc ça parle d'astéroïdes encore, mais d'autres astéroïdes, et puis le numéro hors série de Ciel et Espace, le nouveau roman de la Terre, une histoire de 5 milliards d'années, sans oublier, vous avez une actualité riche Philippe, Ils ont marché sur la Lune, qui est le récit inédit des explorations Apollo, c'est aux éditions Belin, vous reviendrez puisqu'on va parler dans très peu de temps la méthode scientifique de cette histoire de la conquête lunaire. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'était Anthony Thomasson aujourd'hui la technique, dans le prochain épisode de la méthode scientifique demain, et bien demain nous parlerons, et bien demain j'ai un trou de mémoire, donc vous le saurez demain. À demain.